I think I have become one of the hollow men. As I shine on the outside more these days, I can feel the outside feeding on my inside. Leaves grow in darkness in its place. I think I have become one of the hollow men. I think I have become one of the lonely. Now that everybody talks to me, I fear I have become one of the empty. Hollow man can stop you with the twinkling of an eye. Hollow man can take you without even reaching out. Hollow man have got you long before you realize. The poison paralyzes. I think I have become one of a pair of men. It's a feeling I've been having for some time. I look down upon myself and watch my movements. A blind eye sees the fragile vandalized. Watch this cold world dishing up these endless hollow men. Find us anywhere you look. Come and meet our friends. Stand us in our silly clothes. Put our batteries in. Line us up like fairground oaks. Watch us groom. But perhaps we'll save your skin. Sit quietly and listen to the breeze. The hollow and the lonely listen to. Sniff the air for something we can use. We're tin heart, and we rattle when we're shaken. Clears her morning meal. She dabs her skin with pretty smells, concealing to appeal. I will make my bed, she said, but turned to go. Can she be late for her cinema show? Cinema show. Flat and scurries up the stair with head held high and floral tie, a weekend millionaire. I will make my bed with her tonight, he cries. Can he fail, armed with his chocolate? A man like the sea I raged, once a woman like the earth I gave, but there is in fact more earth than thank you. Bonsoir, bonsoir, c'est Progapart, l'émission du rock progressif. On a démarré tout chousse avec Marillion with Friends from the Orchestra. Vous étiez très nombreux, 1800 personnes je crois au Radiant, pour applaudir ce fabuleux concert de Marillion et donc le quintet orchestral. C'était vraiment de toute beauté, Marillion avec ses meilleurs morceaux et y compris d'autres morceaux un peu moins connus. Ça a été 2 heures de pur régal. Ensuite, Genesis, pourquoi un Genesis The Cinema Show? Vous l'avez reconnu, une version remixée d'ailleurs. Tout simplement pour faire écho au fabuleux concert de The Musical Box qui a eu lieu donc l'année dernière par le groupe canadien, qui nous a absolument enchantés. Et là aussi, vous étiez fort nombreux à les applaudir. Donc, The Musical Box est donc un clin d'œil avec ce Genesis. On va passer tout de suite aux nouveautés avec un album de Yogi Lang. Vous le savez tous, c'est le chanteur de RPWL. Et voici donc un album intitulé A Way Out of Here. A Way Out of Here. Yogi Lang tout de suite. Yourself up, carry that away that you can't see. Don't you know it's all alright? It's like a helter-skelter. To gray. forever being one, and all the cause of evil disappears, hiding from my sight. Yogi Lang sur le 100.7, le chanteur de RPWL, signe avec A Way Out of Here un album superbe, très influencé, mais on l'aurait deviné avant, par Pink Floyd. On reste en Allemagne avec un groupe que je ne connaissais pas, un groupe au nom de In Vertigo, In Vertigo, et un album intitulé In Motion. In Motion et In Vertigo. Voilà, vous allez voir, c'est aussi fort bien troussé. Through the cloud that fades on a rainy day, and listen to the smell of a pretty you can only paint in your mind. Listen to the smell of the pretty picture. Listen to the smell of the pretty picture. Listen to the smell of the pretty picture. Listen to the smell of the pretty picture. Listen to the smell of the pretty picture. Hear the raindrops fall down on the leaves of the tree in the rain. Smell the pages of the book while you read the day. Vertigo sur le 100.7 et Prog à part, l'émission du rock progressif qui persiste et signe depuis 1988. On reste en Allemagne avec un rock opéra par un groupe, une formation intitulée Flaming Row, Flaming Row, R-O-W, et le titre de l'album The Pure Shine. Tout de suite, The Flaming Row, The Pure Shine. Thank you. desert, the boy with a pure shine, and the gunslinger followed. Cedar man, Jake with the pure shine, will he ever be a savior? He seems to be the only one. The boy with the pure shine is what they really want, and the machine that can't bring the dark tower down. Let the tower fall. He's the man in black. Walter is his name. Who's crossing the desert? He's longing for the boy with the pure shine. Every day and night, and the gunman on the only way to find the one, the special one. All the painted pictures, the evil dreams, the crystal balls, all the plans. They last forever. Construction of the rainbow, the boy with the pure shine. He has a dark secret. It's so hard. Voilà un large extrait donc de cet album The Pure Shine, basé sur le roman The Dark Tower, la tour sombre de Stephen King, avec du beau monde. Hein. On retrouve des gens connus, je peux citer Melanie Mao, Martin Schnella, Marek Arnold, Nicholas Carl, donc du beau monde, des gens qu'on a déjà croisés. Donc dans cet album double, c'est-à-dire qu'il a une version instrumentale et une version chantée. Je vous ai passé la version chantée, Flaming Row. On va bondir au-dessus de la mer du Nord pour retrouver cette bonne vieille Angleterre avec un projet au titre assez rigolo, Tonochrome. Tonochrome est un titre lui aussi assez rigolo, A Map in Fragments. A Map in Fragments. Tout de suite, Tonochrome. Days drowned in growing old, her screen glows, busy time takes a hit, has it all done it all, mortgage paid, love and friends, tears, Thank you. Monochrome, A Map in Fragments. On continue avec Bjorn Riis. Bjorn Riis, vous allez me dire, mais ça me dit quelque chose. Airbag, le groupe norvégien. Bjorn Riis, tout de suite avec un nouvel opus intitulé A Storm is Coming. Bjorn Riis. There's a storm coming. I can see it miles ahead. As I feel the cold wind, the rain wash over me. Je sais, c'est superbe. Bjorn Riis, ça s'écrit R2IS. A storm is coming. A storm is coming. Donc, du groupe Airbag. Ce monsieur Robert Hein est très connu dans le milieu pop rock des années 70 et 80. Il avait notamment un side project sous le nom de Think Man, l'homme qui pense. Think Man. Nos amis d'Ésotérique viennent de faire une compilation de cette période qui s'intitule Fighting Apathy with Shock. Fighting Apathy with Shock. Et je vous propose un morceau qui, à l'époque, avait cartonné, The Formula. The Formula.

dans le creux d'une fissure, elle a pris racine. Mais personne ne sent les vents qu'elle parfume. Personne ne voit les couleurs qu'elle dessine. Une fleur a posé sa vie sur le bitume. Dans le creux d'une fissure, elle a pris racine. Mais personne ne sent les vents qu'elle parfume. Personne ne voit les couleurs qu'elle dessine. Une fleur a posé sa vie sur le bitume. Ah, c'est le tonnerre dans le landerneau, comme on dit par chez nous, avec ce jeune groupe français APIRYS, un album intitulé « Vers la lumière », ça a des échos d'Atoll qui me plaisent beaucoup, beaucoup, à découvrir sans modération APIRYS. Et on termine, n'est-ce pas Michel, avec Marillion, la boucle est bouclée, ils nous ont enchantés, donc on prolonge la nuit, ou on prolonge la soirée, on ouvre la nuit, avec ce Marillion with Friends from the Orchestra. Thank you. Voilà, ainsi s'achève l'émission Progapart édition janvier. Je vous donne rendez-vous le 3 février pour l'édition de février. Voilà, vous retrouverez cette émission dès que possible, c'est-à-dire je pense demain en podcast sur le site d'Acid Dragon. Et d'ici là, bah, tenez tati et à que la prochaine. C'était Progapart, une émission proposée par Thierry Sportouche. Je remercie au passage Victor Bosch et toute l'équipe du Radiant pour leur accueil, notamment lors du conseil de Marillion. Salut, salut!